الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Nous allons voir maintenant le cinquième pilier de la foi qui est la croyance au jour dernier. La foi au jour dernier. Nous donnons foi et nous avons la certitude, nous croyons au jour dernier, qui est le jour de la résurrection, celui après lequel il n'y aura pas d'autre jour. Les gens seront ressuscités pour vivre éternellement, soit dans la demeure des délices, soit dans la demeure du châtiment douloureux. Nous croyons à la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala redonnera la vie aux morts. Lorsque l'ange Israfil soufflera dans la trompe pour la seconde fois. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate numéro 39, les groupes Az-Zumar, verset 68, dans le sens de sa parole, et on soufflera dans la trompe, et voilà que ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre seront foudroyés, excepté ce qu'Allah voudra. Puis, on y soufflera une seconde fois, et les voilà debout à regarder. Les gens sortiront donc de leur tombe pour se présenter devant le Seigneur et Maître de l'univers, pieds nus, dévêtus, non circoncis. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans la sourate 21, Al-Anbiya, les prophètes, verset numéro 104, dans le sens de sa parole, « Comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répétons, c'est une promesse qui nous incombe, et certes, nous l'accomplirons. Nous croyons au registre des actions qui seront remis soit dans la main droite, soit par derrière le dos dans la main gauche. » Allah Ta'ala a dit dans la sourate numéro 85, Al-Inshiqaq, la déchirure, du verset 7 au verset numéro 12, dans le sens de sa parole. Celui qui recevra son livre en sa main droite sera soumis alors à un jugement facile et retournera tout réjoui auprès de sa famille. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même et il brûlera dans un feu ardent. Nous croyons aux balances qui seront dressées pour peser nos œuvres le jour de la résurrection. Et nulle âme ne subira d'injustice. Allah Ta'ala a dit dans la sourate 99, Az-Zalzala, la secousse, versets 7 et 8, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Et quiconque aura fait l'équivalent en bien du poids d'une fourmi le verra, et quiconque aura fait l'équivalent en mal du poids d'une fourmi le verra. Allah Ta'ala a dit dans le sens de sa parole aussi, la sourate 99, les croyants, Al-Mu'minun, verset 102 à 104, ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux, et ceux dont la balance est légère seront ceux qui auront ruiné leurs propres âmes et ils demeureront éternellement en enfer. Le feu brûlera leur visage et ils auront les lèvres crispées. Allah Ta'ala a dit dans la sourate 6, les bestiaux, Al-An'am, verset 160, dans le sens de sa parole, « Quiconque viendra avec une bonne œuvre aura 10 fois autant, et quiconque viendra avec une mauvaise œuvre ne sera rétribué que par son équivalent et on ne leur fera aucune injustice. Nous croyons en la grande intercession qui est spécifique au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il intercédera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avec sa permission afin qu'Allah commence le jugement et les comptes entre ses serviteurs. Au moment où l'inquiétude et l'angoisse les auront atteints d'une façon insupportable. Ils partiront d'abord demander l'intercession auprès de Adam, Adam, alayhi salam, puis auprès de Nuh, alayhi salam, puis auprès de Ibrahim, alayhi salam, puis auprès de Moussa, alayhi salam, puis auprès de Isa, alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce qu'ils finissent auprès du prophète et messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, comme ce récit est rapporté de manière authentique dans Al-Bukhari et Muslim. Nous croyons aussi en l'intercession en faveur de ceux qui, parmi les croyants, entreront en enfer afin qu'ils en sortent. Elle sera accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'aux autres prophètes alayhi salat wa sallam, ainsi qu'aux croyants pieux et aux anges. Nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera sortir de l'enfer des personnes parmi les croyants sans intercession, seulement par sa grâce et sa miséricorde. Nous croyons au bassin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dont l'eau est plus blanche que le lait, plus délicieuse que le miel, dont l'odeur est meilleure que celle du musc, dont la longueur est d'une distance égale à un mois, ainsi que sa largeur. Ces récipients sont comme des étoiles dans le ciel, de par leur beauté et leur nombre. Viendront y boire les croyants de sa communauté, et quiconque y boira ne ressentira plus jamais la soif, comme rapporté dans le récit authentique de Bukhari et Muslim. Nous croyons au pont dressé au-dessus de l'enfer. Les gens le traverseront en fonction de leurs œuvres. Les premiers d'entre eux le traverseront à la vitesse de l'éclair, puis les suivants à la vitesse du vent, le suivant à celle d'un oiseau, puis à celle de l'homme le plus rapide. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tiendra sur le pont et dira « Seigneur, sauve-les, sauve-les ». Cela se poursuivra jusqu'à ce que les œuvres des serviteurs ne suffisent plus, puis viendra celui qui le traversera en rampant. Sur les côtés du pont, il y aura des crochets accrochés, recevant des ordres, se saisissant de celui qui aura été désigné. Certains subiront des égratignures, mais réussiront à passer, tandis que d'autres seront saisis et tomberont en enfer. Ce récit est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim. Nous croyons en tout ce qui a été cité dans le livre, c'est-à-dire dans le Coran, et dans la Sunna authentique, comme information concernant ce jour, ses affres et ses tourments. Qu'Allah nous aide à y faire face et nous en préserve, et nous les rende faciles. Nous croyons aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera pour les gens destinés au paradis afin qu'ils y entrent. Cette intercession est spécifique au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous croyons au paradis et à l'enfer. Le paradis est la demeure des délices qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les croyants pieux. On y trouve comme délices ce que nul œil n'a jamais vu, nulle oreille n'a jamais entendu et nul cœur humain n'a jamais pu imaginer. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens de sa parole, sourate 32, la prosternation, verset 17, sajda. Aucune âme ne sait ce que l'on a caché pour elle comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'elle faisait. L'enfer est lui, la demeure du châtiment qu'Allah a préparé aux mécréants injustes. On y trouve comme châtiment et punition ce que l'on ne peut imaginer. Qu'Allah nous en préserve. Allah Ta'ala dit dans le sens de sa parole, sourate 18, Al-Kahf, la caverne, verset 29, nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Et s'ils implorent à boire, on les abreuve d'une eau comme du métal fondu, brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Le paradis et l'enfer existent en ce moment même, pour toute l'éternité, et ils ne disparaîtront jamais. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans la sourate 65, le divorce, talaq, verset 11, dans le sens de sa parole, « Et quiconque croit en Allah et fait le bien, il le fait entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. » Allah lui a donc accordé une belle rétribution. De même qu'il a dit dans la sourate numéro 33, les coalisés Al-Ahzab, versets 64 au 66, dans le sens de sa parole, « Allah a maudit les mécréants infidèles, et il leur a préparé une fournaise pour qu'ils y demeurent éternellement, sans trouver ni alliés ni secoureurs. Le jour où leur visage sera tourné et retourné dans le feu, ils diront, hélas pour nous, si seulement nous avions obéi à Allah et aux messagers. Nous témoignons aussi qu'Allah accordera le paradis à tous ceux qui ont été cités dans le livre, dans le Coran et dans la Sunna authentique et qui ont été désignés, en particulier ou en général par la description. Quant à la désignation en particulier, il y a entre autres celle de Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, et ainsi que tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a désigné nommément. Quant à la désignation en général via la description, elle englobe tout croyant pieux. Nous témoignons également qu'Allah accordera l'enfer à tous ceux que le livre et la sunna ont désignés, en particulier ou en général par la description. Quant à la désignation en particulier, il y a entre autres celle de Abu Lahab, comme dans le Coran, Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ainsi que d'autres. Quant à la désignation en général, via la description, elle englobe tout mécréant, tout associâtre, pratiquant l'associâtrie majeure ou tout hypocrite. Nous croyons aux épreuves de la tombe, qui est l'interrogatoire que subit le mort dans sa tombe à propos de son Seigneur, sa religion et son prophète. Alors Allah affermit ceux qui ont cru par la parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, comme il a dit dans le sens de sa parole dans la sourate 14, Ibrahim, verset 27. Le croyant dira « Mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam et mon prophète est Mohammed », tandis que l'hypocrite et le mécréant diront « Je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire quelque chose et je l'ai répété ». Nous croyons aussi aux délices de la tombe réservées aux croyants. Ceux dont les anges prennent l'âme alors qu'ils sont bons, les anges leur disent « Paix sur vous, entrez au paradis pour ce que vous faisiez ». Dans le sens de sa parole, dans la sourate 16, les abeilles, An-Nahl, verset 32. Nous croyons au châtiment de la tombe réservé aux injustes mécréants. Comme Allah Ta'ala a dit dans la sourate 6, les bestiaux, Al-An'am, verset 93, dans le sens de sa parole. Si tu voyais les injustes, lorsqu'ils seront dans les affres de la mort, et que les anges leur tendront les mains disant, laissez sortir vos âmes aujourd'hui, vous allez être rétribués par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah, autre que la vérité, et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ses enseignements. Les hadiths traitant de ce sujet sont nombreux et bien connus. Il est donc du devoir du croyant de croire en tout ce que le livre et la sunna authentique ont rapporté à propos des choses touchant l'invisible et l'imperceptible, de ne pas s'y opposer en les comparant avec ce qu'il voit dans ce bas monde, car les choses de la vie dernière ne peuvent être comparées à celles de la vie présente, étant donné l'énorme différence qui existe entre les deux, et nous demandons à Allah qu'il nous vienne en aide.